Where is the bus? Des mythos bons, casse défoncé, le casque foncé dans le fossé. C'est tout ce qu'on va faire de la pièce. Mais la question c'est qu'est-ce que t'en dis? Viens, on se met sec comme des cons en s'enquillant quelques brandis. Ou viens, on évolue, viens, on grandit. Allez, viens, je réunis Bugs, le temps du Bilbo, l'érudit. Si je pouvais être incisif calmement, frère, je dirais des tas de choses, des tas de choses. J'ai le principe actif pour le médicament de quoi faire. Des tas de doses, des tas de doses. Apprends à être sans liasse, ça se met en place avant que ça pète en masse. Et Jacques cause, fais gaffe, ça s'organise dans ma tête. Mes bas vont traumatiser la planète exacte. Pause, c'est de l'ego trip ou du rap conscient, hein. Je te laisse décider, j'en ai rien à foutre. J'expose mes tripes et mes cales, conscience explose. Les fautifs en passant, qu'est-ce que t'racontes ça? Qu'est-ce que tu racontes ça? Fait des années que je remplis des cahiers de comptes sales et de tas de constats. Check, teste et affronte ça. Comme la peste ou ton propre reflet de Waklop ça. Ce texte, du Lego, pour les mecs Lego. Tu ferais comme l'herbe, tes têtes comme le mégot. Des années que je rappe, je suis toujours en mode intro. Attends que ça part, après que j'écrase mon bédo. En vrai, je suis en soum-soum, comme un indique. Pour ça, je te soum-soum, comme un indique. 365 jours, comme Vivaldi. Histoire d'attirer la foule et de défouler. Parti.

une dose de qualité. Peut-être tu bougeras la tête ou autre chose, mais quand je vais lâcher ma prose, tu vas t'agiter et c'était pourtant pas ça l'idée. Fatalité, je kickais comme parapité au lieu de salité, jusqu'à ce que par un parpa kickait. Méchantité, je fais danser les vieux, dormir les enfants surexcités. C'est la folie dans l'ambiance. A vous de foutre le groupe, ça peut allumer le fire, à foutre le bordel dans la France. Vas-y, perturbe la place. La vie est dure, ça brasse. La weed est pure, ça casse. Comme un Portugal, ils vont se clown sans le babybel sur la face. Et eux aussi doivent se marrer. Tant que tu votes docile, eux peuvent se parer. Ils appellent ça démocratie. Comme enfoiré, 200 ans d'oligarchie. Quelle fin de taré. Mais moi, comme un vieux saint, j'observe et déduis que vos grimaces, c'est votre linge et que votre savoir est réduit. Je suis un animal. Un animal. Je suis un animal. Je suis un chat, je m'en fous de ta vie. Et en plus de ça, bah c'est ma place ici. Un chien, je t'ai trop senti arriver, mais bientôt tu seras reparti. Allez, bye bye, salut, bien essayé. Mais nous on voulait être libre. Toi tu voulais la certitude d'être payé. Et nous juste peut-être vivre. Sous l'aide suivre comme des animaux criés. Lève les bras dit, on croit que c'est beau la vie. Comme chez Haribo. Toi tu voulais des lingots malgré les pas. Face à masser des gaz qui t'a donné ton. J'en ai déjà dit trop. La frousse j'en ai pas, je suis chaud.

s'il y a bien un truc que je déteste, en plus du ménage, de la vaisselle, du climat de Brest et de mon portefeuille, aussi vite que pleines sont mes bourses. Putain, c'est d'aller faire les courses. Putain, c'est d'aller faire les courses. Mais ce jour-là, fallait que j'y aille. Vite, mon ventre braille, mon frigo vide, plus rien à brailler. J'attends un peu de mailler, par me ravitailler. Le truc est carré, je veux faire ça vite. Pas de caddie, j'aurai moins de 10 articles. Et je compte pas à m'éterniser, je sais quel rayon viser. Projet M de chez Kellogg, c'est les masterisés. Dans ma main, j'ai un litre de calcium. Dans ma tête, les neurones se bastonnent. Mon corps ne fonctionne plus. Et là, je me questionne. T'es sérieux? Y'a plus de chocopops, je suis en train de capoter. Y'a plus de chocopops, non mais t'es sérieux? Plus de chocopops, arrête. Je suis en train de capoter. Sérieux? Y'a plus de chocopops. Je suis en train de capoter. Chocopops. Ça m'appelle la fois où j'avais choisi un nouveau style de choc à pique avec un goût de moisi. Je me fais pas avoir cette fois-ci, je veux mes chocopops où je deviens violent comme un nazi. Mais je regarde tous les paquets, ils sont nulle part, je suis au taquet. Ils ont bien dû les planquer quelque part. Et toi, viens voir, pas d'histoire, plus de chocopops. Sérieux, je peux pas le croire. Ils sont où? Je sais que t'en as en stock. Fais pas le fou, je sais que tu nies en bloc. Mais qu'en sortant tu n'iras que savourer ces succulents grains de riz soufflé. Perso discrètement, fais pas le pro. Je sais que tu mens, fais pas le pro, tu parles trop. Parlez-moi calmement, Guélec, tu faisais le show. Et tu vois maintenant que pour du choco, même un hope peut montrer les dents. Bah oui, pas déconner avec les choco pops. Avec moi-même, en vrai je prends grave cher, je m'amène le cahier comme si je taillais ma chair, ma veine. Amen, au départ était le verbe. J'ai trop de verbes pour ne parler que de verges. Vois mes vers, mes vis, mes vertus des vers. C'est quand je converse avec la feuille vierge. Et c'est pas gagné quand je vois que tout converge à nous condamner, à crâner puis faner pour enfin canner. Moi je veux planer, flâner, je veux pas finir comme Serge trop tôt. Non, je veux glaner des années, je veux rapper des pavés. Fort dans la gueule du système, tu m'auras pas. Société, je convertirai tous ceux qui t'aiment, tous ceux que t'as dupé, parasité comme une thème, trompé, pompé, jusqu'à ce que leur réseau s'éteigne. On restera notre propre bouc émissaire, c'est sûr, avant de capter, on est tous des êtres humains. Je me sens ni français, ni blanc, ni rien, je t'assure. Y'a même des jours où je me sens pas vraiment terrien. On restera notre propre bouc émissaire, c'est sûr, avant de capter, on est tous des êtres humains. Tous dans la même merde et on se chie dessus. Communauté égale ennemi commun. Tu me dis que ça se passe comme ça, bah nique-toi. C'est foutu, nique-toi. Que l'humain est mauvais, bah nique-toi. Tout ça est faux, on peut changer si on y croit. Mais faudra tout le monde pour bouger. Et tu paniques-toi, alors active-toi. Allume, sois créatif. Sers-toi du petit poids, caché sous tes chiffres. Clasher tous les types, casser tous les tripes. Ça t'excite ou quoi, exprime-toi. Mais apprends à jouer pour l'équipe, sérieux. Apprends à jouer pour l'équipe. Yeah. panique, je suis au bout de soumettif, j'ai un canif tactique, si boulot comme d'autres c'est tout. Trop sadique du boulot, moi j'ai pas bout de souffle, comme un asthmatique sous l'eau. Et pourtant je manque pas d'air, comme le grognement du tigre. Je suis comme le maniement du sabre. Tu pensais me gérer, mais j'ai des raisons de générer des lésions. Fédérer, discret, défait les légions. Anonymer le peuple qui se lève et lutte. Je ne suis qu'un humain parmi tant d'autres, et pendant la chute de ce système, je le toise depuis les cieux, vieux, les étoiles dans les yeux. Il est grand temps que l'amour prenne sa place, il est grand temps que l'amour règne face à la montée de ce que tous craignent. Je me dis que si ça casse, ça passe, il est temps que Babylone saigne.